Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 85e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous abordons l'étude d'un nouveau dialogue qui fait partie de la troisième leçon de ce manuel qui est intitulé « Fil Masjidi » et qui se situe donc à nouveau dans le contexte de la mosquée. Nous y retrouvons Khalid qui discute cette fois avec Mohammed que nous avons déjà rencontré dans les leçons précédentes de ce manuel et qui est également étudiant à l'Institut de langue arabe. Commençons donc par examiner le titre de cette nouvelle leçon. As-salawat ul-khams. Ce titre est composé de deux mots. As-salawat, qui est le pluriel du nom as-salah, et qui dans ce contexte désigne la prière rituelle accomplie par les musulmans. Al-khams, qui correspond au chiffre 5. Dans cette construction, le nom al-khams occupe la fonction d'adjectif qualificatif, an-na'at, qui en arabe littéraire se place toujours après le nom qu'il qualifie, contrairement au français où sa place est variable. Le titre de cette leçon signifie donc tout simplement « Les cinq prières » et nous annonce que le sujet de ce dialogue va concerner les cinq prières quotidiennes que doivent accomplir les musulmans. Du point de vue grammatical, l'adjectif « al-khams » s'accorde avec le nom « as-salawat » qu'il qualifie et il est donc comme lui défini par la particule « al-iflam ». Vous remarquerez cependant que l'adjectif al-khams est de genre masculin et que le nom as-salawat est construit sur la forme du pluriel régulier féminin alors que la règle d'accord de l'adjectif qualificatif implique qu'il s'accorde également en genre avec le nom qu'il qualifie. Il s'agit d'une exception car comme nous l'avons vu dans l'étude des dialogues de la deuxième leçon, les nombres entre 3 et 10 en arabe littéraire s'accordent avec le genre opposé de celui du nom dénombré. En effet, pour dire 5 prières, on dira khamsu salawatin, puisque le nom dénombré est de genre féminin, et pour dire 5 jours, khamsatu ayyamin, puisque le nom dénombré est de genre masculin. Dans le titre de ce dialogue, comme le nom as-salawatu est défini, le nom al-khams occupe la fonction d'adjectif qualificatif en se plaçant après lui, tout en gardant le genre masculin, qui est l'opposé de celui du nom as-salawat. As-salawatu al-khamsu. Notons que dans cette situation, il est également permis en arabe littéraire d'appliquer la règle de l'accord en genre de l'adjectif qualificatif et de dire « as-salawat ul-khamsatu ». De la même façon, pour dire « les cinq jours », on peut donc dire indifféremment « al-ayyam ul-khamsatu » ou encore « al-ayyam ul-khamsu », même s'il est préférable de conserver l'inversion des genres dans le cas précis des nombres de 3 à 10. Avant de terminer, je voudrais vous faire remarquer que lorsque le pluriel du nom dénombré est irrégulier, il ne comporte aucune indication sur son genre. Il faut donc bien revenir à sa forme du singulier pour le déterminer. Dans l'exemple précédent, le nom Ayyam est le pluriel du nom Yaoum, qui est masculin et qui signifie jour. Pour dire 5 jours, on dira donc bien Khamsatu Ayyam, et pour dire les 5 jours, on dira de préférence Al-Ayyam ul-Khamsatu, avec le nom al-khamsatu sous sa forme du féminin. A l'inverse, le nom hissas est le pluriel du nom hissa qui est féminin et qui signifie séance. Pour dire 5 séances, on dira donc khamsu hissas. Et pour dire les 5 séances, on choisira de préférence al-hissasu al-khamsu avec le nom al-khams construit sur sa forme du masculin. Voilà pour aujourd'hui, ce 85e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, Inch'Allah, dans quelques jours, avec le 86e mini-cours, dans lequel nous allons commencer l'étude des répliques de ce dialogue entre Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.